désir de vivre et d'assumer quand rien ne va plus. Lorsqu'au plus bas, même l'alignement de ces mots ne te guide plus. C'est lorsque tu as trouvé ton bonheur, mais égoïste tu l'étais. Alors ce bonheur, tu voulais le vivre seul, tu l'aurais pourtant partagé. Mais dans ton malheur, où était-il? Alors tu as fini par l'avoir ton bonheur, rien ne te troublait. Tout était là, tu ne faisais rien, tu attendais. Alors ils t'ont montré leur lumière, leur gloire, leur réussite. Même quand tu écris, on vient te rappeler combien il est vain d'espérer. Pourtant, la mélodie vient de nulle part. Tu t'es dit qu'avec tes mots, elle se ressentirait. Tu voulais la capturer, en faire ta prisonnière. Ce qui te limite, n'est-ce pas ceux qui n'ont jamais pu clamer haut et fort leur gloire? Tu es né dans un champ de ruines, ne subsiste rien des gloires passées. Toujours des élans d'orgueil après quelques victoires dans des batailles sans sens. Rien de l'harmonie ne subsistait, disparaissait dans l'au-delà. La vie dans ton champ de ruines, tu l'aperçois encore. Prends le temps de la faire renaître, comme toi tu renaîtrais de ses poussières. Prends vie, ne te laisse pas disparaître. Déjà mort, rien ne survit. Nos étincelles, au clair de lune disparaissent. Ce goût qui te passe à travers le cœur, cet encens qui jaillit au fond de toi. Mais ton âme est vouée à disparaître comme les feuilles en automne qui se dessèchent, tes vols morts. Et toi tu vis, tu marques le vent de la vie. Tes forces qui te poussent à avancer chaque jour vers la vie. Affronter l'inconnu, le monde connu est si vaste. Mais tu veux voir plus loin que la vie. Cherche à dépasser la mort, tu ne veux pas te laisser vaincre par le temps. Chaque jour tu la vois défiler. Les horloges célestes sont devenues ces horloges du quotidien qui rythment tes pas, tes actions. De quoi es-tu apte à juger? Que reste-t-il de tes rencontres? Déteste la mort mais n'ont pas peur de voir exhiber les dépouilles de ceux que la vie éreint et qui restent coincés dans les dimensions où même les plus braves ne vont pas s'aventurer. Quand tu les vois, ils s'apitoient, qu'ont-ils à espérer? Les pleurs mains sont-elles devenues trop faibles pour subsister? Moi-même je peine à t'en parler, parce que mes mains glacées, mes bras chauds et mon cœur tiède, ma tête insensible, mes pieds suractivés réagissent dans ce néant artistique, quand rien ne t'écoutait. Un jour, le souffle parvenait jusqu'au cœur, tu devais le transmettre, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant c'est toi qui cherches à le ranimer, à le faire ressurgir des confins du vide. Je voulais dire non à ce triste sort, j'étais d'abord dit qu'en parlant tout viendrait. J'étais fier de ces mots qui s'agencent, tels de subtiles notes qui forment la partition de cette sonorité mélodieuse que tu as pour guide. La clé de ta réussite, tu l'avais, mais pourtant, tu as perdu ton destin. Avais-tu sous les mains, t'as-t-il glissé entre les doigts, les gloires passées sans certes mort, et tu veux toujours faire comme cela, il est à cause d'une malédiction. Nous 10 millionnaires en âge, mais où en sommes-nous à l'échelle du cosmos pour avoir si peu fait? Et si je t'avais dit que je t'aimais, je ne t'ai jamais vu ni touché, pourtant tu viens à moi lors de ma solitude. Ce qui me détruit, ce qui me ronge, c'est de ne pouvoir appréhender cette complexité. Je suis sans doute naïf si l'on songe aux confins de l'univers. Mais je suis face à l'activité bouillante des miens. Même si je coule, d'autres relèvent la tête. Il vaut mieux relever la tête comme eux. Ne pas s'apitoyer sur cette misère qui nous engloutit chaque fois que nous nous fait adresser un regard. Les paroles ne te sont plus sacrées parce que tu as profané tous ces temples où se disait le bien. Tu as dévié des routes tracées pour toi par eux pour t'aventurer à tracer la tienne. Mais combien seul tu t'y perds lorsque tu franchis chaque passage si étroit et dur à traverser. La cosmogonie, tu y avais droit. Tu voulais relancer l'élan passé, aborder d'autres rivages dans le reflet si infime comparé à la grandeur que l'on pense à laquelle ils sont voués. Même ces lumières qu'on trahit. Au plus bas sur la terre, tu ne pensais pas qu'un fossé pouvait t'enfermer. C'est si injuste d'en revenir. Tu peines à te défaire l'esprit de ton périple. Le fou dans tout ça, c'est que jamais plus tu ne pourras frôler tes limites. Tu es condamné à vivre sur une onde de tranquillité, volant ton corps pour exposer de brûlures. Les passions, oui, elles sont puissantes. Et parfois, tu les places dans une grande cour. Une homme, elle se dresse contre la nature qui les a créées. Mais c'est elle à même de vaincre ce qui, plus que toi, anéantit. C'est triste, mais il y a plus fort que toi dans ce monde. Quand tu te soumets au plus fort, il faut quand même que tu le fasses dans un combat que tu as perdu d'avance. La reine est là, elle te pousse encore plus à te déchaîner de tes faiblesses. Mais puis tu enchaînes la force pour atteindre l'ennemi.